Donc aujourd'hui, nous entendons un autre débat de Jésus avec ceux de son temps. Et ce débat tourne autour de la pureté rituelle. Il y avait beaucoup d'actes posés pour se purifier parce que le monde... Les Juifs, en fait, savaient qu'ils étaient un peuple saint, un peuple de Dieu, un peuple choisi. Mais souvent, les contacts avec le monde extérieur ou avec des gens malades ou autres étaient, selon la coutume, des occasions de contracter des impuretés. Et avant d'aller à la prière ou avant de manger, souvent, ils se purifiaient. Donc, il y avait toutes sortes de rites où ils se lavaient les mains, comme on disait, lavage de mains, lavage de coupe, et toutes sortes de rites pour se purifier, pour être digne de célébrer les louanges du Seigneur. Ce n'est pas d'hier, et dans la plupart des religions d'ailleurs, il y a cette quête d'une certaine purification du cœur. Mais ce que Jésus insiste, en fait, justement, l'homme, oui, il a besoin d'une purification pour atteindre Dieu, mais pas n'importe quelle purification. Et là, Jésus nous aide à pointer l'essentiel. Il dit, c'est bien beau, là, vos lavages de mains, vos lavages de coupe, etc. Mais si votre cœur est encore tout plein de rancœur, tout plein d'orgueil ou d'autres pensées comme celle-là, eh bien, ce lavage extérieur ne change rien. Au fond, les rites extérieurs sont là pour nous faire prendre conscience ou pour rendre visible une réalité intérieure. Mais si on s'arrête à l'extérieur, eh bien, poup, ça ne sert plus à rien. Ça ne sert plus à rien. Combien de fois par jour ou par semaine vous vous brossez les dents? Alors, ceux qui se brossent les dents au moins une fois par semaine, levez la main. Bon, pour les autres, fermez la bouche. Ceux qui se brossent les dents à peu près au moins une fois par jour. Alors, pour les autres, fermez vraiment la bouche. Je me souviens, il y a un professeur de philosophie qui m'avait dit quand j'étais au cégep, j'aimerais que vous preniez soin de vos âmes autant que vous prenez soin de vos dents. Au moins 3 fois par jour, vous vous souciez, ou au moins une fois par jour, ou pour certains au moins une fois par semaine, vous vous souciez de la propreté de vos dents. Combien de fois vous souciez-vous de ce qu'il y a dans votre cœur? Dans la vie chrétienne, traditionnellement, il y a une pratique qui est un petit peu délaissée, mais qui est quand même très bonne, la pratique qu'on appelle de l'examen de conscience. Vous connaissez peut-être ça, il y en a qui ont déjà entendu. C'est-à-dire faire un examen, c'est-à-dire passer au crible notre journée, ou passer au crible les pensées qui habitent mon cœur et regarder, les comparer à la lumière de l'Évangile. Est-ce que ces pensées sont dans la lumière de l'Évangile ou sont plutôt recouvertes d'une ombre? Est-ce que les actes de ma journée étaient des actes de lumière ou des actes plutôt de ténèbres? Encore une fois, aujourd'hui, le Seigneur nous invite à pas juste se laver les mains, pas juste se brosser les dents, mais à examiner un peu ce qui se passe dans mon cœur. Des fois, ça se peut que dans mon cœur, j'ai plein de joie, puis je suis tout content d'avoir revu un ami ou d'avoir reçu un bon mot de quelqu'un, super. Mais parfois, ça se peut que mon cœur bouillonne, que ce soit plutôt comme un volcan qui gronde et qui, des fois, il y a de la colère qui va presque éclater et qui va peut-être même sortir par mes lèvres, par ma bouche. Et le Seigneur, il dit, ben ça, c'est ce qui est à purifier. S'il y a des pensées qui sont bouillantes en nous, je viens de parler par exemple de la colère, mais ça peut être aussi l'orgueil, un sentiment de trop grande estime de soi au point d'écraser les autres, ou ça peut être aussi toutes sortes de pensées un peu perverses, de débauche ou autres qui nous habitent. Le Seigneur nous invite à ce moment-là à faire du ménage, à purifier notre cœur. Purifier notre cœur. Pourquoi? Vous savez, il y a une béatitude, il y a 8 béatitudes dans Matthieu, il y a une béatitude qui concerne les cœurs purs. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Donc, l'enjeu de purifier notre cœur, c'est de voir Dieu. S'il y a plein d'autres choses dans mon cœur, l'eau est trouble, hein, si on fait de l'en plonger dans une mare de boîte, eh bien, on ne verra pas grand-chose, même si j'ai des bonnes lunettes de plongée. Mais si je fais de la plongée dans une belle eau claire des Caraïbes, waouh, je vais voir les corails, je vais voir les beaux poissons. Donc, le Seigneur nous invite à purifier notre cœur. Aujourd'hui, j'ai été voir un monsieur qui est en phase terminale. Il est à une maison de soins palliatifs tout près d'ici. Un monsieur très, très bon, très gentil et plein de foi, en fait. Et je lui ai dit que je venais célébrer la messe tout à l'heure. J'ai demandé de prier pour vous, d'ailleurs. Et je lui ai dit que je prierais pour lui, donc vous pourrez prier pour lui. Hein, il est vraiment en fin de vie. Et je trouvais belle sa foi. Je lui ai demandé, mais c'est quoi un cœur pur pour vous? Et il me disait, un cœur pur, c'est un cœur débarrassé. Débarrassé de tout ce qui lui nuit. Un cœur débarrassé de tout ce qui l'embête. Puis il me disait, oh, je suis prêt, je veux voir Dieu. Je veux voir le Seigneur. Donc un cœur pur, c'est un cœur comme ça, tout simple. Débarrassé de tout ce qui nous embarrasse. En être embarrassé, c'est être congestionné de toutes sortes d'affaires. Les inquiétudes de toutes sortes, matérielles ou affectives ou d'autres ordres. Puis dire, Seigneur, écoute, occupe-toi donc de tous ces tracas-là et moi je m'occupe de toi. Jésus nous a dit, cherchez d'abord le royaume et le reste vous sera donné par surcroît. Donc c'est bien beau.